Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 22. Si quelqu'un vole un bœuf ou une brebis, et qu'il les tue ou les vende, il restituera 5 bœufs pour un bœuf et 4 brebis pour une brebis. Si le voleur est trouvé forçant une maison ou la minant, et qu'il meurt d'une blessure reçue, celui qui l'a frappé ne sera pas coupable de son sang. Que s'il a fait cela le soleil levé, il a commis un homicide, et il mourra lui-même. S'il n'a pas de quoi rendre pour le larcin, il sera vendu lui-même. Si ce qu'il a volé est trouvé chez lui, vivant, soit un bœuf, soit un âne, soit une brebis, il restituera le double. Si quelqu'un endommage un champ ou une vigne, et qu'il laisse aller sa bête pour qu'elle paisse ce qui est à autrui, il rendra tout ce qu'il aura de meilleur dans son champ ou dans sa vigne, selon l'estimation du dommage. Si un feu qui s'élève trouve des épines et gagne un tas de gerbes, ou bien les blés sur pied dans le champ, celui qui a allumé le feu réparera le dommage. Si quelqu'un confie en garde à son ami de l'argent ou un objet quelconque, et qu'il soit volé à celui qui l'a reçu, si le voleur a trouvé, il rendra le double. Si le voleur reste inconnu, le maître de la maison sera conduit au Dieu, et il jurera qu'il n'a pas étendu sa main sur le bien de son prochain pour commettre le vol, soit d'un bœuf, soit d'un âne, d'une brebis, d'un vêtement, et de tout ce qui peut porter dommage. C'est devant les dieux que viendra la cause de l'un et de l'autre. Et si ceux-ci le condamnent, il restituera le double à son prochain. Si quelqu'un confie en garde à son prochain un âne, un bœuf, une brebis ou toute autre bête, et qu'elle meure ou dépérisse, ou bien soit prise par les ennemis, et que personne ne l'ait vue, interviendra le serment qu'il n'a pas étendu sa main sur le bien de son prochain, et le maître recevra le serment, et celui-là ne sera pas contraint de rendre. Que si c'est par un vol que la bête a été enlevée, il réparera le dommage envers le maître. Si elle a été mangée par une bête sauvage, qu'il lui apporte ce qui sera resté et il ne restituera pas. Si quelqu'un demande en prêt à son prochain quelqu'une de ses bêtes, et qu'elle dépérisse ou meure, le maître n'étant pas présent, il sera forcé de la rendre. Que si le maître se trouve présent, il ne restituera pas, surtout s'il était venu pour la louer, pour le prix de son travail. Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée, et dort avec elle, il la dotera et la prendra pour femme. Si le père de la vierge ne veut pas la donner, il rendra de l'argent selon la dot que les vierges ont coutume de recevoir. Tu ne laisseras pas vivre ceux qui usent de maléfice. Que celui qui commet un crime avec une bête meure de mort. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'au Seigneur seul sera mis à mort. Tu ne contristeras point l'étranger et tu ne l'affligeras point, car vous avez été étrangers vous-même dans la terre d'Égypte. Vous ne nuirez point à la veuve et à l'orphelin. Si vous les offensez, ils crieront fortement vers moi, et j'entendrai leur clameur, et ma fureur s'indignera. Puis je vous frapperai du glaive, et vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple pauvre qui habite avec toi, tu ne le presseras point comme un exacteur, et tu ne l'accableras point d'usure. Si tu prends en gage de ton prochain un vêtement, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est le seul dont il se couvre, le seul vêtement de sa chair, et il n'en a pas un autre dans lequel il dorme. S'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce que je suis miséricordieux. Tu ne parleras point mal des dieux, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point à rendre tes dîmes et tes prémices, tu me donneras le premier-né de tes fils. Pour tes bœufs aussi et tes brebis, tu feras de même. Que pendant 7 jours, le premier-né soit avec sa mère, et au 8e jour, tu me le rendras. Vous me serez des hommes consacrés. Vous ne mangerez point de la chair dont les bêtes sauvages auront déjà goûté, mais vous la jetterez aux chiens.